Jazz Time, présenté par Gérard. Nous recevons aujourd'hui un musicien qui est en charge d'une classe à l'école de musique de Toul. C'est un clarinettiste, saxophoniste. Alors, Denis Mermet, bonjour. Bonjour Gérard. Alors merci d'avoir fait le déplacement sur Radio Déclic pour que l'on parle un peu de vous, du travail que vous faites à l'école de musique et surtout de la direction d'un big band que vous animez et qui se produit régulièrement dans le Toulois et qui sera en concert, on en reparlera tout à l'heure, le 30 novembre à Favières. Alors Denis, première question très personnelle, la musique pour vous ça a commencé comment? C'est une initiation, une éducation musicale, un milieu familial, comment êtes-vous rentré en musique? Eh bien, il n'y avait pas forcément de la musique tout le temps à la maison, mais il y avait quand même quelques disques un peu significatifs, je dirais. Il y avait de la musique classique, il y avait de la musique de variété, de la chanson et également du jazz. Donc il y avait quand même quelques disques de jazz comme Sidney Bechet, King Oliver, Armstrong. Voilà, donc je pense que c'est ça qui a pu me mettre la puce à l'oreille, si j'ose dire. Mais de là à vous donner une vocation de musicien ou simplement d'amateur de la musique en général? Mais il faut aussi que j'ajoute que du côté de maman, la famille donc maternelle, c'était une fratrie de 7 enfants, dans laquelle il y avait 5 musiciens. 5 musiciens non professionnels, mais qui étaient c'était des artisans, hein, donc ça, je vous parle de ça dans le début du 20e, quoi, qui étaient artisans, mais qui étaient également musiciens. Il y avait un piano dans la maison? Il n'y avait pas de piano dans la maison, non, mais moi, je pense que j'ai aussi découvert la musique au travers donc, de cette famille-là, qui se produisait, j'ai de vagues souvenirs, qui se produisait dans des lieux... Pour la danse? Comme le théâtre, qu'il y avait à Toul, il y avait un théâtre. Il y avait un orchestre symphonique, qui était dirigé par un grand-oncle. Donc ça, je pense que dans la prime enfance, quoi, ça se passait, hein, donc... je pense qu'après, j'ai aussi côtoyé un petit peu plus tard ces gens-là, pas très longtemps, puisque bon, ils étaient très âgés. Je pense que ça vient également de là. Et le choix de l'instrument, comment avez-vous débuté? Parce que très souvent, on débute avec un instrument, on change après, ou bien on abandonne? Alors, j'ai pas vraiment choisi. Bon, l'instrument au départ, moi, à l'âge de 8 ans, mon papa a eu la bonne idée de rapporter des harmonicas d'Allemagne. Hein, Honneur. Honneur. Par rapport à son travail, il était parti donc en mission en Allemagne. Donc, il a eu la bonne idée d'acheter des harmonicas. Et donc, à l'âge de 8 ans, ça a commencé avec ça. Moi, je n'ai pas commencé avec la flûte à bec. À l'époque, ça n'existait pas. J'ai commencé avec l'harmonica. Et donc, tout de suite, je me suis rendu compte que tout ce que j'entendais, je pouvais le reproduire sur l'harmonica. Je n'avais pas pris de cours, rien du tout. Après, il y a aussi mon grand-oncle qui dirigeait l'orchestre symphonique qu'il y avait à Toul, qui s'appelait le Cercle Symphonique, et qui était clarinettiste, et qui un jour m'a montré son beau coffret de 2 clarinettes Buffet Crampon, et qui m'a dit, tiens, est-ce que ça te dirait d'essayer? Alors là, bien sûr, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Donc c'est parti de là, mais ça c'était vers l'âge de 12 ans, voilà, 12 ans. Et après, ensuite j'ai eu la chance de rencontrer un professeur que ma maman connaissait, un ami, qui m'a vraiment bien orienté sur la technique de la clarinette, et puis tout ce qu'il faut pour faire ses gammes, etc., ses arpèges, et puis découvrir les œuvres classiques également. Donc vous avez eu la culture, la double culture, classique et jazz, en quelque sorte. Bah, le jazz est venu après. Mais, à l'adolescence. Bien que je l'avais en moi, puisque bon, j'entendais quand même des musiques au travers des disques vinyles. Mais bon, j'étais avant tout un autodidacte au départ. Et puis, je suis quand même resté aussi par la suite dans le jazz. À part ces cours de clarinette que j'ai eus à l'adolescence, ça, ce qui m'a fait un bien énorme, puisque il y avait la rigueur du travail technique. C'est seulement quelques années plus tard, donc vers l'âge de 20 ans, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai rencontré des musiciens, notamment qui pratiquaient le jazz, d'excellents musiciens avec lesquels j'ai gardé des contacts à l'issue du service militaire, qui durait un an à l'époque, je le rappelle. Et donc, ensuite, j'ai vraiment commencé à pratiquer le jazz à Nancy, dans les caves de la MJC Lillebonne, qu'on appelait la NAJA, Nancy Jazz Action. C'est là où j'ai tout appris. Enfin, pas tout appris. J'ai au contact donc de très bons musiciens déjà qui pratiquaient déjà des groupes. Je suis rentré dans des groupes. Alors, pour situer l'époque, c'était avant NJP, ça, c'est à l'aube des années 70. Exactement, voilà. Et on pouvait jouer assez facilement. Il y avait un caveau à l'association des étudiants rue Gustave-Simon à l'Alger. Il y avait une grande salle et un caveau. Et donc, on pratiquait avec son niveau de connaissance. On n'était pas très, très exigeant, mais on pouvait jouer et s'exprimer. Il y avait un lieu, oui. Mais moi j'étais un peu jeune pour avoir connu ce lieu-là. Voilà. Et vous êtes passé au ténor comment ? De la clarinette au ténor ? Alors, je suis passé par le soprano avant, d'abord. L'influence de Bécher, parce que, non ? Ah oui, ça me titillait. Alors, encore mon papa qui a eu l'excellente idée de me dire un jour, bah, « Écoute, si tu as ton BEPC, je t'achète un saxophone soprano. » Alors, je m'autant vous dire que bon, le BEPC, je ne pouvais pas le louper, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu un jour, c'est Dupont-Metzner, pour acheter un saxophone soprano. Et là vraiment, ça a été le déclic, sans vouloir faire de jeu de mots. Et le ténor, c'est incontournable, après, c'est incontournable. C'est surtout quand j'ai joué dans des groupes en section. Le soprano n'y joue pas en section. En général, c'est sax ténor, trompette, trombone. Voilà. Et donc, vous avez commencé assez tôt, finalement, à jouer dans des orchestres formés, soit des petites formations, voilà, soit des grands orchestres. Alors, à savoir que à 14 ans, dès que, après j'ai commencé à maîtriser la clarinette un petit peu en autodidacte, j'étais sur les planches à 14 ans. C'est-à-dire dans un orchestre de variété où on faisait des bals avec des copains. On avait tous moins de 20 ans, quoi. Et cet orchestre s'appelait les Points d'Interro. Et on faisait fureur à l'époque. Vraiment, on avait une bande qui nous suivait partout. Enfin, c'était vraiment très agréable. Et là, j'ai beaucoup appris parce que dans cet orchestre-là, on faisait pas seulement de la musique pour la danse, mais on reprenait les Beatles, naturellement, puisque alors là, c'était en plein dans la période. Et c'était extrêmement agréable et très formateur. Parce que là, on ne s'imagine pas, mais faire de la variété, c'est quelque chose qui peut être très formateur, quand c'est bien pratiqué, quoi. Et puis, il faut dire que le jazz a été au départ une musique pour la danse. Bah, tout à fait. Et ça, perdu, ça s'est quand même perdu hein, maintenant, je pense que alors, ça commence à revenir. La grande époque de la danse, dans les grandes salles américaines, c'était Chick Webb, Fletcher Anderson, ouais. Enfin. Donc on en écoutera une partie parce que ça permet de resituer une époque qui est plus ancienne que vous, bien sûr, mais qui a pu vous inspirer et vous donner envie de faire du jazz. Bah, bien sûr. Il y avait aussi un disque de Fletcher Anderson, donc, à la maison. Alors, on va écouter donc, Fletcher Anderson, justement. Bah, voilà. Denis, on a l'habitude de dire que bon, la musique, ça se danse, mais la mélodie, c'est important aussi, parce que vous interprétez des compositions qui sont écrites ou des compositions que vous créez vous-même. La mélodie, c'est vital pour vous dans Pour moi, c'est vital, la mélodie. Ouais. Moi, je pense. Je crois que ça s'est un petit peu perdu au fil du temps. Enfin, pas complètement, mais je pense que vraiment dans la période donc des débuts, que ce soit du début du jazz jusqu'au swing, jusqu'au bop, était très riche au point de vue mélodique. Et alors, vous avez fait une carrière définitivement dans la musique, ou bien c'était en parallèle à une activité professionnelle? Ça a été en parallèle pendant longtemps. Moi, j'avais un travail bon, alimentaire, je dirais. Bon, j'étais postier, ce qui permettait de dégager du temps pour la musique, mais qui restait quelque chose de très, très fatigant et périlleux souvent. Et puis, c'est une passion aussi. Bah, c'est une passion depuis toujours, bon, je dirais. Hein. Mais j'ai quand même été musicien professionnel à partir de 2000, de l'an 2000. Alors, vous disiez tout à l'heure, j'ai été sur scène de bonne heure à 14 ans. Est-ce que la scène, c'est essentiel pour la formation d'un musical? Ah bah, bien sûr. C'est sur scène qu'on progresse. Après, on peut faire plein de répétitions, etc. Mais c'est après, vraiment, l'aboutissement permet de progresser. Et puis ça permet aussi de se frotter à d'autres personnalités, à d'autres instrumentistes. C'est aussi cette mixité qui est intéressante. c'est, voilà, je, parfois je vois des gens jouer seuls, je me dis, oui, c'est bien, c'est difficile de jouer, hein, en tant qu'instrumentiste, jouer seul, c'est extrêmement difficile. Il faut être imaginatif, vraiment, là, c'est bon. Pour moi, je ne conçois pas tellement la musique seule, c'est vraiment en groupe, quoi. Quelque chose qui se construit, quelque chose qui doit faire, se faire plaisir en faisant plaisir aux autres musiciens également. C'est partagé, quoi, si on veut. Et puis, à un certain moment dans votre vie professionnelle et vie de musicien, vous avez eu l'idée de faire partager vos connaissances. Vous êtes devenu un peu pédagogue, puisque vous êtes arrivé à l'école de musique de Toul à quel moment ? Ben, je suis arrivé à l'école de musique pour suite à un appel téléphonique qui me demandait si je voulais bien remplacer un professeur qui était tombé malade. Et donc, bon, moi, j'avais absolument jamais enseigné. Mais, bon, comme j'étais déjà un petit peu connu dans le Toulois, on a pensé à moi, et ça me faisait un peu peur. Et bon, j'ai dit oui. Donc ça, c'était dans les années 90, oui, autour de 1991. Et j'y suis toujours. Donc vous avez pris une classe déterminée ou une activité plus générale dans l'école de musique ? Dans l'école de musique, non, j'enseignais la clarinette et le saxophone et les classes de solfège. Voilà. Avec des échanges avec d'autres classes, parce qu'on va parler de l'orchestre que vous avez créé. Vous n'avez pas dans votre classe la totalité des musiciens d'un orchestre, donc vous êtes obligé d'emprunter, entre guillemets, des musiciens d'autres classes. Bah, c'est-à-dire, normalement, ce sont des musiciens de l'école de musique, des élèves qui participent à l'orchestre. Mais il faut qu'ils aient un niveau quand même suffisant technique sur la technique de leur instrument, pour la lecture du solfège. Donc c'est pas toujours le cas. Et puis dans une école de musique, il y a, comme on appelle ça, pour dire en bon français, un turnover d'élèves assez important. Des grands élèves qui partent pour des études supérieures. Donc, il y a des périodes où il n'y a pas le potentiel pour vraiment créer un orchestre, je veux dire, style big band, c'est-à-dire 16 musiciens ou 18 musiciens. Parce que, bon, moi, c'est ce que je préfère. Et donc, pour en revenir aux participants à l'orchestre, on a aussi bien d'anciens élèves qui reviennent pour parce que bon, ça leur plaît déjà, premièrement, et puis comme ils savent qu'il y a quand même pas mal de concerts à la clé, ça peut être intéressant pour eux. Donc vous avez la double casquette, professeur d'anche, en fait, saxophone et clarinette, et puis également la direction d'orchestre, puisque vous avez créé un big band. Voilà. Alors, créer un big band, c'est quand même un challenge très, très redoutable. Quelles sont les références que vous aviez quand vous avez décidé de créer ce big band ? Alors, j'avais déjà un potentiel avec les vents. Donc, c'est-à-dire, bon, si on prend la formule big band traditionnelle, c'est 4 trompettes, 4 trombones, 5 saxophones pour les vents. Donc, j'avais les saxophones, il n'y avait aucun trompettiste inscrit depuis très longtemps à l'école, ni de tromboniste. Alors après, il faut adapter, on adapte. Par contre, on avait des flûtistes et des clarinettistes. C'est parti comme ça. Et puis, au fil des années, on a eu quelques inscriptions pour les cuivres, donc en trompette et trombone. Je dis quelques parce que ça, c'est venu très très doucement. Ensuite, pour la rythmique, ben, il faut un piano, un guitariste, une basse, une batterie. J'avais ce potentiel pour la rythmique. grâce à un ancien élève qui est revenu à la batterie. Ensuite, c'était pour le guitariste aussi, Mathéo, qui est avec nous depuis longtemps, mais qui ne prend plus de cours à l'école, mais qui est passionné et qui continue avec nous malgré ses études difficiles, enfin, j'imagine, des hautes études. Alors, vous avez des références, quand vous avez choisi de faire un big band, les références, c'était les orchestres des années 35, 40, on va donner deux noms, c'est l'orchestre de Count Basie, avec ses grands solistes, l'orchestre d'Ellington, avec ses solistes oui. aussi. On va peut-être écouter déjà une interprétation de l'orchestre de Count Basie pour situer un peu ce qui était votre référence. Autre référence, puisqu'on a, on en a choisi deux, on a tout à l'heure écouté Fletcher Anderson, Count Basie, chez Duke Ellington, vous avez proposé qu'on écoute un morceau alors que moi je ne connais pas, que je découvre, qui date des années 40. Parlez-nous de ce morceau-là. C'est Awful Sad. Oui. C'est un morceau qui est bon, pour moi assez particulier et qui ne ressemble pas tellement à ce qu'on attend de Duke Ellington. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et vous l'avez choisi parce qu'il y a un soliste important ou c'est le travail de l'orchestre en général ? Non, c'est le travail de l'orchestre. C'est très, très, très particulier et étonnant, c'est créatif, c'est... Je ne sais pas comment dire. Alors, c'est à la fois un son d'orchestre qu'on va retrouver et puis une découverte parce que c'est un thème qu'on n'entend pas souvent. Non, on n'entend pas souvent. Thank you. Alors, est-ce que vous arrivez à faire partager vos choix musicaux, parce que vous avez besoin de créer un répertoire, d'emprunter des morceaux qui existent en partition, mais aussi les arrangements que vous faites. Est-ce que vous, là, comment se fait le choix de ce répertoire avec les musiciens ? Est-ce que Denis Mermet impose, ou est-ce que c'est un travail collectif ? Bien souvent, c'est vrai que ça vient de moi, quoi. Ça vient de moi. J'ai essayé de leur glisser un peu le... leur dire, bah écoutez, donnez-moi des idées, quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse, qu'on crée, quoi, peut-être. Mais ça a un petit peu de mal de ce côté-là. Donc ils me font confiance. Alors moi, naturellement, j'avais quand même un certain nombre d'arrangements déjà dans lesquels j'ai pu prendre les sources. Et puis, mais j'essaie que... Enfin, apparemment, ça a l'air quand même de leur plaire, parce que mes amis m'ont dit, bah non, écoute, tu nous enquiquines avec tes morceaux. Bah, apparemment, c'est que du plaisir, pour moi. Alors, soit les partitions, vous avez une liste de morceaux pour lesquels l'orchestration existe, elle est écrite. Par contre, pour d'autres, vous choisissez vous-même de faire des arrangements. Ça m'arrive de faire quelquefois des arrangements sur des chansons, sur des thèmes de Gainsbourg, ou même parfois sur des musiques classiques. De Bach, par exemple, on a eu l'occasion de participer au festival Bach, et j'ai dû m'amuser un petit peu en faisant l'arrangement sur la marche en Ré de Jean-Sébastien Bach. Voilà, je trouvais que ça pouvait un petit peu swinguer, quoi. Ça montre l'éclectisme à la fois du chef de l'orchestre et puis des musiciens. Ah oui, j'aime bien la variété, je dirais. Bon, parce que variété, un terme un peu galvaudé, un peu péjoratif comme ça, mais j'aime bien la variété dans les choses. On va dire la diversité, plutôt. La diversité, voilà. Voilà. Ouais. Alors Denis, j'ai sous les yeux le répertoire de votre grand orchestre, c'est 37 morceaux, c'est quand même impressionnant. On y trouve aussi bien des traditionnels, des thèmes qui sont un peu latinos comme Besame Mucho, des choses comme ça. Oui. On y trouve aussi, vous lisiez tout à l'heure, des arrangements sur les chansons. Il y a un thème de Quincy Jones qui a été chanté par les Double Six, For Lena and Lenny, Yamanteca, de Dizzy Gillespie. Ça nécessite quand même des techniques et des technologies bien particulières. Certes, ça... Manteca, c'est pas simple. Non, ça coinçait un petit peu au début. Oh, on n'arrivera jamais. C'est tout. Mais non, mais avec un peu de travail, du travail à la maison, et puis... En répétition. On a 2 heures par semaine de répétition. Ce qui est pas mal quand même. Bon. Alors, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous n'aviez pas donc des sections complètes, trompette, trombone et hanche. Par contre, quand vous êtes obligé de retrouver des sonorités dans une composition, vous êtes obligé de remplacer une sonorité d'instrument par un autre instrument. Comment vous faites ? Alors, il se trouve que pour remplacer les trompettes, par exemple, c'est très possible de remplacer les trompettes par des clarinettes. Donc, comme il y avait un potentiel de clarinettes nécessaire, la section donc des trompettes est constituée de 3 clarinettes et une trompette quand même. Depuis assez peu de temps, quoi. Donc, ça, évidemment, le mélange, bon, 4 trompettes qui jouent ensemble, c'est pas 3 clarinettes et une trompette. Mais je trouve que le mélange est quand même intéressant. Vous avez un son de section qui... On a un son de section qui, peut-être, qui n'existe pas au monde. On est peut-être les seuls. Alors, ce répertoire, pour que ce soit intéressant, il faut pouvoir le présenter au public. Donc l'orchestre, régulièrement, vous êtes invité à vous présenter et à jouer une bonne partie de ce répertoire. Oui, tout à fait. Et on a même l'idée, pour vraiment intéresser les gens, c'est d'avoir une personne qui présente les morceaux, qui annonce ou qui désannonce, en évoquant un petit peu le compositeur, de l'œuvre ou en racontant un petit peu l'histoire du morceau, enfin de ce que ça peut évoquer. Alors, vous êtes invité sur le Touloir, mais peut-être ailleurs aussi. Là, vos concerts, c'est quoi? 2, 3, 4 concerts par an? Dans quelles circonstances? C'est un petit peu plus. On a été invité en début d'année par l'école Boquet, Charles Boquet de Pont-à-Mousson, pour une soirée latino. Et donc, il y avait 4 groupes qui se produisaient, et donc c'était vraiment une soirée très intéressante. Oui, thématique. Thématique, et qui a demandé beaucoup de travail, naturellement, puisque c'était uniquement une soirée latino, pas question de retaper dans notre répertoire plus swing. Ou, voilà, donc là, ça demande vraiment beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors, Denis, vous avez eu la gentillesse de nous apporter un enregistrement qui est tout chaud, ou presque. Vous l'avez fait il y a quelques jours. On va pouvoir découvrir justement le son de cet orchestre que vous dirigez, que vous animez et qui se produira, je le rappelle, le 30 novembre à Favia. Donc, on va écouter un premier extrait de cet orchestre. C'est le Denis Band. Donc, votre nom est attaché au grand orchestre. Alors, ils ont voulu que ça s'appelle comme ça. Alors, bon, moi, j'étais pas trop chaud, parce que en général j'aime pas trop quand même être trop devant, mais bon, finalement je trouve quand même que ça sonne pas mal, puis on, voilà. Donc je rappelle que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Denis Mermet, saxophoniste émérite, clarinettiste et puis responsable d'une classe de musique à l'école de musique de Toul et en charge du Big Band, le Denis Band. Alors on écoute un extrait d'un enregistrement que vous avez réalisé avec votre orchestre. Avec le temps, Denis, est-ce que vous avez évolué dans vos goûts parce que vous avez débuté tôt, hein, à l'adolescence, ensuite à la maturité? Le jazz a évolué, il y a eu un certain nombre de pans de l'histoire du jazz qui se sont succédés. Est-ce que dans vos goûts personnels, vous avez évolué? Naturellement, on découvre quand même... Enfin, il y a beaucoup de choses actuellement, hein, beaucoup de bonnes choses dans le jazz actuel. Dire que j'ai évolué, c'est pas tellement à moi de le dire. Enfin, moi, étant donné que je touche quand même à pas mal de styles dans le jazz, mais je ne suis pas cantonné dans un style. Comme j'aime beaucoup l'ouverture de ce côté-là, ça me va, j'aime bien avoir... J'ai diverses expériences dans des groupes de jazzot, dans des groupes de jazz New Orleans, des groupes de... j'ai même eu l'expérience dans le jazz rock, avec le groupe Brown. Alors, ça, c'était en 1975... Ensuite, Tierra Brava, de la musique latino. J'ai vraiment pratiqué. Alors, mes goûts, après moi, si la musique est bonne, je veux dire, ça me va, quoi. Moi, je veux dire, je vais pas... Donc, jusqu'à présent, vous avez été un sideman reconnu. Oui. Et on vous appelle très souvent pour faire partie d'un groupe. Donc, vous jouez très souvent. Exactement, sideman. Je crois savoir que vous aimeriez bien un jour monter un quartet... C'est-à-dire une rythmique plus le ténor, c'est-à-dire faire un petit peu le quartet que l'on a connu dans les belles années du jazz. Est-ce que ça, c'est un projet qui va peut-être aboutir ? Ça, c'est un projet qui est en route, oui. Je pense que c'est le moment, voilà. Et bon, ce quartet, on commence à travailler ensemble, c'est assez récent. Et ce quartet s'appelle Playtime. Comme le film de Tati, alors. Voilà. Et ce sera un répertoire très jazz ou comme pour le big band, jazz, chansons, musique latino. Je pense plutôt axé sur sur les thèmes qui ont illustré les films, mais des thèmes de jazz qui ont illustré les films. Oui, il y a beaucoup de compositeurs qui ont écrit pour. Il y a de quoi faire. Oui. Donc, mais pas seulement. Après, bon, ça peut. Moi, il y a des grands standards aussi que j'aime jouer. Bon, donc, ça fera aussi partie du répertoire. Alors, vous parlez de standards. Vous me donnez l'occasion d'évoquer un standard. Le 11 octobre 1939, Coleman Hawkins entre en studio, enregistrait Body and Soul. Est-ce que pour vous, ça reste la référence importante? Est-ce que pour vous, c'est indépassable? Ou est-ce que c'est le standard? C'est bien, ça existe, mais il faut passer à autre chose. Ah non, pour moi, c'est une des plus grandes ballades qui existent de tous les temps. Voilà, notamment dans cette version de Coleman Hawkins... de 39 qui c'est la douceur même, c'est sublime, quoi. On va peut-être se remettre en mémoire cette interprétation de Coleman Hawkins en 1939 de Body and Soul. Mm-hmm. Denis Mermet, qui est en notre compagnie et qui anime, dirige le Denise Band, un orchestre qui sera en concert le 30 novembre à Favières. Alors Denis, on va continuer à parler de ce grand orchestre. C'est un travail important, ça vous mobilise pas mal de temps. Est-ce que ça, vous allez continuer encore longtemps ou est-ce que vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre Bah, je pense qu'il faut pas, s'incruster, hein, quel que soit l'endroit où on est. Bon, je voudrais pas, voilà. Non, mais l'orchestre grand format, c'est quelque chose qui vous passionne quand même. Ah oui, moi je pense que c'est passionnant au point de vue harmonique et il y a des possibilités, quoi, qu'on n'offre pas des petites formations. Et c'est bon, je pense que c'est aussi représentatif de l'école. Ça doit, un orchestre d'école doit un peu bon, représenter la maison, quoi. On sort à l'extérieur, on doit rayonner. Vous êtes un peu la carte de visite de l'école de musique. Oui. Alors, on évoquait le concert que vous allez donner donc, le 30 novembre à Favières. Bon, au cours de l'année, quels sont les différents rendez-vous que vous avez eus avec le public du Toulois? De cette année 2019 ben, oui, et puis même, parlons aussi de 2020, parce que je pense que vous avez des dates déjà prévues pour 2020. Alors, donc, on a traditionnellement les vœux du maire, les vœux de monsieur le maire, à la salle de l'Arsenal en janvier. C'est bientôt. Courant janvier. Hein. Donc, si on revient donc, en début 2019, donc, on a joué au mois de janvier. Ensuite, nous avons joué pour l'école Charles Bocquet de Pont-à-Mousson. Donc là, après, il est prévu... nous faisons aussi des auditions au cours de l'année. Hein, on participe aux auditions de l'école qui ont lieu soit à la salle des adjudications, soit au Théâtre du Moulin. Ça permet de faire connaître l'orchestre au grand public de Toul. Au grand public, mais ça reste quand même assez familial quand on fait des auditions. C'est pas tellement ouvert au public. Naturellement, le public... ça intéresse les familles, surtout. Ça intéresse beaucoup. C'est surtout les familles. Et donc, en général, pour conclure l'audition, on joue quelques morceaux. Quoi. Donc, ça fait toujours plaisir. Alors, moi, je propose à nos auditeurs qu'on retrouve un autre extrait de l'enregistrement que vous nous avez apporté et qui présente donc le Denise Band, un big band que vous avez formé à l'École de musique de Toul. Depuis combien de temps il existe, ce big band ? Depuis 2014, celui-ci. Donc, c'est déjà une belle expérience. Voilà, donc c'est dans la durée hein, qu'on arrive à construire quelque chose. Donc ça va donner une idée de ce que vous réalisez, de ce que vous proposerez dans vos prochains concerts. Voilà. On écoute oui. Denise Band. Alors Denis, on vient d'écouter un extrait d'un enregistrement que vous nous avez apporté du grand orchestre que vous dirigez, le Denise Band, hein, puisque c'est comme ça que l'orchestre... En français. En français, voilà. Voilà. Et il y a deux parties dans votre activité. Il y a votre activité de musicien, on va dire professionnel pratiquement. Et vous jouez dans combien de groupes en tout sur Nancy, sur l'agglomération? Parce que moi je vous vois dans différentes configurations avec des leaders que l'on connaît bien, comme Pierre Reboux. Oui. Donc quels sont les groupes dans lesquels on peut vous retrouver dans le secteur? Il y a effectivement les groupes que dirige Pierre Reboux, donc le grand jazz de la rue Sigisbert. Donc qui fait du hot jazz, il y a les Bugle Boys qui fait du swing des années 40, avec lequel on fait plutôt, enfin on fait beaucoup de danser les clubs de danse là, qui en ce moment commencent à prendre vraiment de l'importance, ce qui donne aussi du travail aux musiciens, c'est intéressant quoi. Et il y a aussi d'autres groupes, un autre groupe avec lequel nous sommes produits à NJP, à la Pépinière en fait, le Cotton Club Jungle Orchestra. Et puis, j'ai d'autres formules, en sideman toujours, hein, avec d'autres musiciens, que ce soit de la région d'Épinal ou d'ailleurs, ou d'Alsace. Et puis avec le grand orchestre, donc vous allez poursuivre en 2020-21, pourquoi pas, renouveler le répertoire, retrouver peut-être d'autres participants dans l'orchestre pour renouveler les cadres en quelque sorte. Et donc ce projet, vous allez le continuer encore combien de temps? Tout le temps que je pourrai, quoi. Voilà. Je pense. Tout le temps qu'il sera possible. Donc, vous nous rappelez le prochain rendez-vous du Denise Band, c'est le 30 novembre. Le samedi 30 novembre à Favière. Salle des fêtes de Favière, mais je n'ai pas, qui a été baptisée il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas retenu le nom. Non, mais Favière, ce n'est pas très grand. C'est pas grand. On retrouvera son chemin c'est facilement. Pas grand, ouais. Merci, Denis, d'être venu parler de votre vie de musicien, d'enseignant et puis de chef d'orchestre aussi, c'est important tout ça. Merci Gérard de m'avoir invité. À bientôt, au revoir Denis. Au revoir Gérard.